que Mireille n'avait pas le temps de faire quand elle était au lycée. Elle n'avait pas le temps de lire.